Disons-le tout de go, une nouvelle grotte ornée préhistorique aurait été mise au jour en Normandie. Selon les découvreurs, spéléologues et archéologues, cette grotte posséderait des représentations animales et humaines, dont des femmes très proches de celles découvertes à Gunnersdorf. Hormis une première publication qui devra convaincre la communauté des préhistoriens, l'expertise de spécialistes de l'art paléolithique devrait prochainement suivre. Quoi qu'il en soit, les grottes ornées sont rares en Normandie, hormis celle de Gouy, mise au jour en 1881. Mais revenons à notre sujet et regardons les Gaulois au fond des yeux. Dominique Garcia, bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Merci d'être en direct et dans notre studio de France Culture, habitué de l'émission. Je rappelle qu'archéologue et professeur des universités, vous présidez au destin du plus grand institut d'archéologie en Europe, l'INRAP. Les Gaulois à l'œil nu. Voici le titre de votre dernier livre paru chez CNRS Éditions. Sorte de tour de Gaulle à la lumière des découvertes, toutes incroyables réalisées sur notre sol, la terre du couchant, comme la dénommaient les Grecs. Ne nous y trompons pas. Si l'aspect du livre est très attrayant, il n'en est pas moins un ouvrage savant, savant mais très facile d'accès et donc à la portée de tous. À mes yeux, une vraie réussite dans le genre. Dominique Garcia, la France, c'est la Gaule. Mais de quoi est née la Gaule? Des textes antiques qui pourtant évoquaient les Gaules? La Gaule, c'est avant tout des populations dont certaines se nommaient dans leur langue les Gaulois, ce qui veut dire les vaillants, les gaillards. Ainsi sont les hommes, quand ils ont le choix, ils vont à l'essentiel. Ce nom, cet anthroponyme donc flatteur, fera florès, on le sait, grâce aux Romains, César en particulier, qui l'utilisera pour nommer l'espace qu'il souhaite conquérir. Par la suite, ce nom sera utilisé pour désigner le socle historique de notre nation. Il sera alors figé dans le récit et dans notre imaginaire, un espace naturel presque idéal. Et c'est là où l'archéologie aujourd'hui rentre en jeu, puisqu'elle permet de redonner un peu de profondeur et de sens à cette notion de Gaule. Ce serait presque un espace inventé ? Alors, bien entendu, c'est un espace qui a été désigné comme presque un champ de bataille par César. C'était l'hypothèse aujourd'hui bien renforcée de Christian Goutineau. Et de toute façon, c'est un espace qui a été limité, approprié par les troupes romaines et pour lequel aujourd'hui on arrive à avoir un peu plus d'éléments, bien entendu, d'un point de vue culturel. Dominique Garcia, je veux bien parler de la Gaule, mais que faites-vous de la Celtique ? Alors si le gaulois, je l'ai dit, est un terme celtique, le terme de vaillant, de gaillard, celtique, paradoxalement, est connu à une date plus ancienne, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, par Hécaté de Milet, qui dit que Massalia, Marseille, est créée en celtiqué. Mais en revanche, ce terme de celtique serait, lui, un terme d'origine grecque, n'aurait pas d'origine locale. Un petit peu comme on a désigné les Amériques ou les populations qui occupent cet espace, on a parlé d'Indiens. Donc c'est un terme qui a été apporté, qui est d'abord donc un concept géographique utilisé par les Grecs, alors que le terme de Gallia sera utilisé par les Romains, et qui aura petit à petit sa propre dynamique. On est là presque dans le paradigme de la proto-histoire. La Celtique, c'est un espace dans lequel les populations locales auront leur propre dynamique, et où en même temps les populations extérieures, étrusques et grecques, vont apporter leur courant commercial, culturel, et va naître donc un espace particulier. La Gaule, les Gaulois, du moins ce que nous en imaginons, est-ce encore l'histoire commentée au cours du 19e siècle par Amédée Thierry ? Alors, au 19e siècle, un moment où on ne datait pas les niveaux préhistoriques, un moment où on construisait l'histoire de la nation française, la Gaule est devenue le berceau, l'origine de notre pays. Et moi, j'aime bien dire que l'origine, c'est l'anagramme de religion. On est là dans le mystique, on n'est pas là dans la science. Alors, Amédée Thierry et son frère ont fait un travail important de dépouillement des textes, d'écriture de cet espace gaulois, mais on était là dans une approche qui était extrêmement nationaliste, qu'on peut presque rapprocher de ce qui se faisait de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, avec les travaux de Cossina, qui définissaient l'espace germain avec les mêmes pratiques. Alors, les deux frères Thierry, c'est un succès considérable. L'un sur les Mérovingiens, l'autre sur les Gaulois, c'est ça? Ah ben oui, c'est... Ça va être publié, les grands, c'est les enfants vont lire ça. C'est les grands historiens, c'est eux qui vont permettre d'écrire cette histoire de France de façon dense, savante, mais ensuite, effectivement, qui va nourrir les manuels scolaires et qui va permettre d'avoir cette vision presque idéalisée de la France, même si c'était fondé sur des documents historiques. Et qu'est-ce qu'il reste donc d'Amédée Thierry dans notre propre imaginaire de quotidien sur les Gaulois? Pas mal de choses quand même pour finir. Alors c'est évident que dans cette histoire du 19e siècle et d'une grande partie du 20e siècle, les bases sont réelles, c'est-à-dire les textes, les savants qui étudiaient les textes à l'époque étaient des savants de haut niveau, la lecture de l'espace, et je pense notamment aux travaux de Paul Vidal de la Blache, était extrêmement intéressante. Donc les bases, les éléments de géographie historique, les éléments philologiques avaient du sens, mais en revanche, il manque ce que l'on possède aujourd'hui, c'est-à-dire les archives du sol et la documentation archéologique qui permet de donner une profondeur importante à ce phénomène, ne pas étudier uniquement les derniers siècles de la société gauloise, mais bien prendre en compte le premier millénaire, sortir de nos frontières également, étudier les Celtes du Danube jusqu'à l'Atlantique et les Gaulois au-delà des frontières françaises, et également prendre en compte les interactions avec les autres populations, notamment les Étrusques, les Grecs et les Romains. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que la vision des archéologues qui travaillent sur la matérialité des Celtes rejoignent la vision des anciens, des textes anciens. Alors bien entendu, à un moment donné, les archéologues avaient un cadre qui était historique, et on a nourri ce cadre historique avec une documentation archéologique qui a permis de dessiner un faciès culturel de ces Gaulois au travers des céramiques, du matériel métallique, de l'art qu'on a appelé gaulois ou laténien, et bien entendu de l'habitat. Donc on avait d'abord un cadre historique qu'on a illustré grâce à l'archéologie, et aujourd'hui peut-être sereinement, avec effectivement notre regard, d'où ces Gaulois à l'œil nu, on peut essayer de rebâtir une histoire des Gaulois en mettant en équilibre les données philologiques, les données historiques, les données archéologiques, et apporter un regard anthropologique sur l'ensemble. On évoque souvent l'Europe centrale comme berceau des Celtes. Ceux-ci auraient alors donc conquis l'Europe jusqu'au rive de l'Atlantique. Voilà une histoire totalement à revisiter. Alors selon moi, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'au moment où on a travaillé sur la proto-histoire, et notamment les chercheurs allemands qui ont défini cet espace et ont travaillé sur le monde proto-historique, on a travaillé sur des éléments culturels précis, on a cherché l'endroit où les éléments étaient le plus purs, et effectivement les endroits où les objets archéologiques étaient le moins matinés d'influence atlantique, le moins matinés d'influence méditerranéenne et le moins matinés d'influence nordique, c'était dans cette partie centre-occidentale. Et donc à partir du moment où on a trouvé un faciès pur, on a dit c'est là le berceau du monde celtique. En fait, je crois qu'il faut totalement retourner le phénomène, et si on se retrouve effectivement dans cette partie de Hallstatt ou de l'Athènes où on a un faciès qui paraît plus pur, c'est en fin de compte, c'est un endroit où les interactions étrangères sont arrivées le plus tard. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit là à l'origine de la civilisation celtique et de la civilisation gauloise. On évoquait alors souvent la Hongrie, par exemple. Alors, les découvertes qui ont été réalisées en Hongrie ont permis de définir des Celtes dont la dynamique propre local les a entraînés très loin, notamment d'un point de vue de l'architecture, d'un point de vue du matériel, notamment le mobilier métallique. Mais ce n'est pas pour autant, ils ne sont pas plus celtes que d'autres dans certaines régions, la Massette ou la Bretagne, voire certaines parties des îles britanniques. Dans votre livre, Dominique Garcia, on évoque bien sûr Amédée Thierry, mais aussi Gustave Cossina, l'occasion d'aborder la notion de peuple, de territoire, de sang et de civilisation. Alors Gustav Kosina est un élément, un personnage important dans l'historiographie de la recherche, mais aussi dans l'histoire contemporaine récente, puisqu'il publie un ouvrage qui s'appelle L'origine des Germains en 1911, un ouvrage qui sera largement diffusé. C'est d'ailleurs un chercheur qui fait autorité, mais c'est aussi un chercheur qui va alimenter dont le savoir sera au service de l'expansionnisme allemand. Et donc lui, effectivement, on partira de ce faciès archéologique, celui des Germains, celui d'un territoire, et il associera un territoire, l'Allemagne, et un faciès à une notion de peuple. Et donc, on aura une équation relativement simple qui justifiera par la suite, effectivement, des élans expansionnisme dont on connaît les dérives, bien entendu. En pleine idéologie nazie. Quoi qu'il en soit, on ne naît pas gaulois, on le devient par le regard de l'autre, notamment les Grecs. Alors le regard, mais aussi les interactions, c'est la définition même de la proto-histoire, c'est-à-dire qu'on a des populations dans la région depuis le néolithique, des apports successifs, des vagues migratoires qu'on va retrouver dans ces régions, des apports peut-être un peu plus conséquents à l'âge du bronze, mais la grande de nouveauté à la transition bronze-fer, c'est les influences extérieures. Et donc va naître effectivement un nouveau faciès dans ces régions, qu'on appelle le faciès celtique. Et ce faciès celtique qui est en fin de compte lié une association de la dynamique locale et des apports extérieurs étrusques, grecs et romains. Et effectivement une identité gauloise qui va naître de ces relations-là. Regardons l'identité de ces peuples. Ne pourrait-on pas définir nos Gaulois par la langue ? Bien sûr. Alors ça, c'est une évidence. Ces populations sur un grand espace parlent un langage que l'on appelle celtique, probablement une série de dialectes, mais on a là quelque chose d'important. C'est-à-dire on a une communauté de langues, une communauté de culture sur un espace qui va de l'Atlantique jusqu'au Danube. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dominique Garcia, vous pensez que les Gaulois ou les Celtes se comprenaient de la côte atlantique jusqu'à la Hongrie ? Alors, ça devait être des patois, non ? Alors, des patois, oui, mais les patois n'empêchent pas de se parler ou d'échanger. Il y avait des dialectes, mais de toute façon, il y en avait dans le monde étrusque, il y en avait dans le monde grec, donc ça ne change pas grand-chose. On a des témoignages assez intéressants. On a le père de Trogue Pompée qui, au moment de la guerre des Gaules, donc quelqu'un d'originaire de la région d'Avignon, sert dans les troupes de César pour servir d'interprète quand César est dans les parties nordiques. Donc ça montre, en fin de compte, que ces Celtes, d'une région à une autre, arrivaient à échanger et arrivaient à se comprendre. Alors, environ 300 mots, peut-être un petit peu plus, de mots gaulois donc sont parvenus jusqu'à nous, dont ambassadeurs, charrues et autres. En tout cas, peu décrits, si ce n'est dans des alphabets qui sont tout sauf gaulois. Alors, c'est la particularité. Il y a une langue gauloise qui est maintenant de plus en plus connue. Je pense aux travaux de Jacques Lacroix, de Lamarre, de Lambert, de Hugo Blanchet, etc., qui permettent aujourd'hui de définir un lexique relativement important, bien plus de quelques centaines de mots que l'on connaît. Mais effectivement, les Gaulois n'avaient pas d'écriture. Et ils utilisaient parfois l'alphabet étrusque, parfois l'alphabet grec, parfois l'alphabet latin, pour écrire leur langue. On a des témoignages sur des tessons, des mots qui sont souvent des noms et qui donnent l'appartenance sur ces céramiques. On a des textes un peu plus longs, des textes votifs. On a des textes commerciaux. On a même trouvé à l'atte des documents touchants qui sont des abécédaires, donc des modes d'apprentissage de l'écriture grecque par des populations gauloises. Et puis on dit souvent que chez les Gaulois, le sacré ne s'écrit pas. Alors effectivement, les savoirs étaient transmis, notamment détenus par les druides. Donc il y avait un savoir, une oralité importante. Et c'est un fait, il n'y avait pas d'écriture. Cette identité culturelle gauloise, nous la trouvons dans les témoignages aussi des objets du quotidien, mais aussi dans l'art, les arts décoratifs, tout à fait extraordinaire, la numismatique. Alors, cette identité gauloise qui se construit donc avec ses apports extérieurs et sa propre dynamique, on le voit dans la céramique, dans les différents faciès sur l'espace gaulois, on le voit avec le métal, et puis effectivement ce qu'on a appelé l'art laténien, qui est selon moi une interprétation de l'art méditerranéen qui poussé à l'abstraction par les populations gauloises et qui donnera ces éléments extrêmement touchants, voire émouvants que l'on retrouve dans le métal, dans les monnaies et qui avait même intéressé les surréalistes, André Breton notamment, collectionner les monnaies gauloises. Tout à fait. Toute la Gaule est divisée en trois parties, nous dit César. Un autre point de vue serait de dire qu'il y a les Gaulois du Nord et les Gaulois du Sud? Alors, Nord-Sud, peut-être pas, mais en tout cas, littoraux, ça c'était évident. Il y a les Gaulois qui sont les premiers en contact avec les populations étrusques et méditerranéennes. On va dire que ce sont les Celto-Ligures. Et Marseille, bien entendu, fondée en 600 avant Jésus-Christ et qui aura une influence importante sur les populations méridionale. Ensuite, on a ces Gaulois qui vont être influencés tout le long de la vallée du Rhône, de la Saône, par ces commerces méditerranéens. Et puis, on a des populations effectivement plus isolées dans le centre de la France, en Bretagne ou dans le Nord. Donc, ce qui constitue, en fin de compte, ce puzzle gaulois constitué de ces faciès régionaux. Les Gaulois du Midi, qui a été un best-seller de Michel Py, tout à fait. Ce sont les Saliens dans la région d'Aix-en-Provence, les Élysiques, par exemple. Alors les Élysiques, effectivement, qui sont la population qui vivait dans la région de Narbonne, d'Agde, donc dans les basses vallées de l'Aude et de l'Hérault, et qui sont des populations qui sont citées dans les textes. Ils étaient présents dans la bataille d'Himer, et donc ils ont servi à un moment donné comme mercenaires dans les combats méditerranéens. Ce qui montre que là aussi, nos populations gauloises n'étaient pas totalement isolées. À un moment donné, elles ont eu des actions dans différents coins de la Méditerranée. Elles connaissaient ces populations qui ensuite les ont colonisées. Elles ont combattu, elles connaissaient dans les techniques, elles connaissaient peut-être des éléments politiques. Mais rappelons que la bataille d'Himer, les Gaulois sont battus du côté des Carthaginois, donc en 480. Au nord, nous aurions même des embryons d'empires, de confédérations. Alors, les textes, notamment ceux que nous ont transmis César, la guerre des Gaules, qui est le document le plus précis, mais également quelques éléments épigraphiques ou les monnaies, nous montrent effectivement des éléments d'organisation politique variables. On a le cas de cités-états importantes, notamment liées aux principautés celtiques. On a le cas d'empires dans le monde d'Arverne. On a le cas de royaumes. On a des organisations politiques extrêmement précises. Peut-être justement faut-il voir à la fois sur le temps une évolution de ces systèmes politiques et peut-être aussi des variations régionales dans l'adoption de certains systèmes. Alors ce qui est drôle, c'est que ça couvre à peu près toute la période. On a les Bituriges à peu près vers 600, mais après bien sûr on aura les Sénons avec Brennus au 4e siècle, puis ensuite les Arvernes, donc cela arrive un peu systématiquement. On peut parler de chefferies pré-étatiques, probablement. Alors, un peu comme les sociétés mésopotamiennes. Alors, effectivement, on a des cités-états, on a des systèmes de chefferies assez évolués. De toute façon, on est dans une période d'essor démographique important, d'interaction sociale, voire de migration ponctuelle. Et donc, bien entendu, les populations se sont organisées, se sont structurées avec des systèmes qui sont effectivement assez élaborés. Alors l'unité de pays, de territoire, c'est une sorte de pays, c'est ça ? C'est la civitas ? C'est la civitas, ça a été bien étudié récemment par Stéphane Fichtel, et on a un ensemble de peuples, une soixantaine, dont on retrouve aujourd'hui les traces encore dans les noms, voilà, les Parisis qui constituent un espace en tant que tel, les Tricors dans la région de Troyes, donc des grands espaces aujourd'hui qui occupent à la limite un peu plus d'un département actuel. Et ce qui est curieux, c'est qu'on renoue avec ces pays aujourd'hui. Alors voilà, il y a peut-être un élément, quoi, un espace dans lequel les populations gauloises se sentaient à l'aise et dans lequel aujourd'hui on se sent peut-être plus à l'aise que dans un espace beaucoup plus large. Effectivement, cette notion de pays, qui d'ailleurs étymologiquement, le pagus, c'est un terme gaulois qui désigne l'espace qui est limité, qui est fiché par des pieux. L'organisation politique de ces peuples est bien entendu régie par des royautés, mais aussi par un autre système, des sénats, un peu comme à Rome. Alors effectivement, aujourd'hui, on a des éléments, je le disais tout à l'heure, liés à une lecture des textes sur certaines inscriptions et des éléments qui nous sont donnés par la numismatique qui montrent des organisations politiques assez complexes. Il y avait un domaine religieux qui détenait un certain pouvoir, mais aussi des pouvoirs politiques dont on arrive aujourd'hui à décrire les contours, mais qui varient selon les régions. Qu'en est-il de la démographie ? Alors la démographie est un élément extrêmement difficile à pointer. On a parlé, certains auteurs parlent de 5-6 millions d'habitants pour la Gaule au moment de la conquête, d'autres vont jusqu'à 20 millions. Aujourd'hui, on mène des études un peu plus précises, je pense aux travaux notamment de Delphine Izoardi dans le sud de la France, où on arrive à évaluer le nombre d'habitants pour des villes de Marseille, une vingtaine de milliers, des villes comme Lattes, entre 5 et 10 000 habitants. En tout cas, ce qui est important, c'est que après l'essor démographique du début du néolithique, l'âge du fer est sans doute le moment où on a une progression la plus importante de notre population, avec un système urbain qui se met en place, des campagnes extrêmement riches, mises en valeur, les travaux de François Malrin le montrent clairement, et donc voilà, une nourriture abondante, une économie florissante, un essor urbain qui permet un essor démographique important au moment de la guerre des Gaules. Dominique Garcia, vous parlez des Gaulois, mais les Gauloises, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, les Gauloises étaient à parité. Ensuite, il ne faut pas projeter nos ambitions pour aujourd'hui ou pour demain avec ce qui se passait dans l'Antiquité. Même si pour la proto-histoire, certains indices sont intéressants à pointer. On sait notamment que le territoire de Marseille a été fondé chez les Ségobriges par les Grecs, mais par les Grecs qui se sont alliés à des femmes locales. Et donc c'est la femme locale qui a donné le territoire. Donc on a une transmission matrilinéaire et matrilocale, donc un rôle de la femme assez important dans l'essaimage des populations et dans l'appropriation du territoire. On pensera aussi à Vix et sa princesse qui avait un pouvoir extrêmement important dans le cadre de cette principauté. Oui, la princesse Ségobriges, elle choisit son mari. Oui, extrêmement important. La légende nous dit qu'effectivement, le jour de la noce, c'est la femme qui choisissait son mari et qui allait s'installer sur le territoire. Donc on a comme ça l'origine des installations villageoises était liée au poids de la femme. Dominique Garcia, la hiérarchisation sociale semble se structurer vers 550 avant notre ère, quand des liens économiques et culturels s'engagent avec la Méditerranée. Nous voici face à ce que l'on appelle le phénomène princier, qui s'effondre d'ailleurs un siècle plus tard. Alors c'est un phénomène extrêmement important, donc qui débute sans doute au 7e siècle avec le contact avec les Étrusques, qui va démarrer de manière beaucoup plus forte au 6e siècle avec la présence grecque, qui touche la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, mais également la Seine, la Loire et le Danube, et qui met en connexion les populations méditerranéennes et les populations nordiques avec l'installation de ces grands centres urbains. Donc on est là dans un espace euro-méditerranéen connecté, une montée en puissance des populations celtiques, des cadeaux diplomatiques de grande valeur. Je pense à Vix, je pense à Lavaux, bien entendu, mais aussi les découvertes de Bourges vont dans ce sens-là. Donc on a un moment extrêmement fort entre la fin du 7e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ dans le centre occidental de l'Europe. Et il faut attendre, semble-t-il, le 2e siècle avant notre ère pour voir un phénomène proche. Nous voici alors devant ce que l'on appelle la civilisation des oppidas, des villes. Oui, à partir du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir du moment où dans le Midi, les Romains seront déjà implantés et auront déjà créer des cités, on va voir dans le reste de la Gaule émerger ces agglomérations, les oppidas, on a en tête Gergovie, Alésia et Bibracte, toujours en fouille avec son centre archéologique. Et donc la France va se couvrir de ces grandes agglomérations, de ces grandes villes, ce qu'on appelle effectivement la civilisation des oppidas. Dominique Garcia, longtemps affaire des historiens, la Gaule est désormais aux mains des archéologues. En 30 ans de recherche, tous les champs d'investigation ont été renouvelés. Urbanisme, agriculture, religion, pratiques funéraires, jusqu'aux batailles de la guerre des Gaules. Alors effectivement, aujourd'hui, la documentation arrive en nombre grâce à l'archéologie programmée, grâce à l'archéologie préventive. Encore aujourd'hui, on fouille des agglomérations. On pense à Moulay, on pense à Bibracte, on pense en Paraïenne. Aujourd'hui, en Charente, où l'INRAP fouille une agglomération qui était jusqu'alors inconnue, les nécropoles sont visibles, les fermes sont explorées et effectivement, les grandes fouilles de Ribemont et autres ont permis d'en savoir plus sur les sanctuaires gaulois et celtiques. Les archives du sol viennent compléter les archives des bibliothèques. Oui, en 30 ans, on a découvert les sanctuaires, par exemple, que l'on n'avait jamais vus. On a effectivement aujourd'hui une vision plus précise des religions gauloises grâce à ces fouilles. En conclusion, parlons de la Coupe du Monde de football en juillet 2018, qui n'a rien de la capitulation d'Alésia. À cette occasion, Barack Obama évoque alors les Gaulois. Oui, il y a un moment extrêmement touchant. Barack Obama est invité le 18 juillet 2018 pour les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et à ce moment-là, il fait un discours extrêmement chaud, extrêmement sensible, dans lequel il évoque la victoire de l'équipe de France deux jours auparavant face à la Croatie, 4-2 pour les amateurs. Et à ce moment-là, il parle de l'équipe de France en disant cette équipe de France, on voit très bien qu'elles ne sont pas des Gaulois et pourtant ils sont des Français. Il sourit à ce moment-là, la foule applaudit et on s'aperçoit qu'effectivement ces Gaulois sont universels et aujourd'hui la diversité de la population est reconnue en tant que telle en France et à l'international. Dominique Garcia, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Gaulois à l'œil nu, paru chez CNRS édition. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Jean-Guilain Maège et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera aux Nabatéens.